dans les bas-fonds, près des bas de la gare de Lyon. Solitaire et sans un rond, Sagittaire s'agitant comme un con, pour se faire entendre en chanson. Quand une paire de jambes tout en long chantait mon regard, moi assis sur le trottoir, à gratter ma vieille guitare. Et là il se mit à pleuvoir. Elle avait banni les baninos, les bas de soie, les bas talons. Elle maniait mon manillon, et moi je goupillais son goupillon. Elle avait banni les banilons, de son bas ventre au portillon. Elle souriait sans un soupçon, elle soupirait sous les suçons. Elle avait banni les banilons. Je suis arrivé au bon moment, elle était de virée sans amant. Solitaire un jour de printemps, seule sur terre, je lui dis poliment. Quelle galère, je n'ai rien sous la dent, quand ça perdit le diamant. Je perds mon regard, moi assis sur le trottoir, invité avec ma guitare à venir passer le bonsoir. Elle avait banni les banilons, les bas de soie, les bas de talons. Elle maniait mon manillon, et moi je goupillais son goupillon. Elle avait banni les banilons, de son bas ventre au potillon. Elle souriait sans un soupçon, elle soupirait sous les suçons. La la la la la la la. Les banilons, les bas de soie, les pantalons. Elle maniait mon manillon, et moi je goupillais son goupillon. Elle avait banni les banilons, de son bas ventre au bottillon. Elle souriait sans un soupçon, elle soupirait sous les suçons. Elle avait banni les banilons, les bas de soie, les pantalons.